Tracy Key, Fish Go Deep. Et on va pouvoir commencer cette émission ce soir. Et l'introduction va pouvoir être faite par notre adorable Guillaume quand il veut. Bonjour, bonsoir. Vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel, au fond près du radiateur 106.3 FM. Nous sommes en présence ce soir de Douce et Anthony du podcast Extimité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci. Nous sommes également avec Mouloud et Iman, nos chers chroniqueurs. Salut, salut. Enchanté. On te connaît, mec. Ça va, tout le monde va bien ce soir? Parfaitement bien. Ça va, j'ai du vent, tout va bien. Est-ce que ça va aussi bien que le climat social en ce moment en France ou est-ce que vous allez mieux? Je pense qu'on va mieux, hein. Enfin Dieu merci, on va mieux, j'ose espérer. Bon alors, comme vous le savez tous, hein, je ne pense pas vous faire une surprise aujourd'hui en vous parlant un petit peu de ce mouvement national social qui a été introduit par les Gilets jaunes. Donc les Gilets jaunes qui ont porté de plus en plus de revendications, hein, des revendications qui émanent du peuple, même si dans beaucoup de cas, ils ont... Il y a eu des tentatives de récupération ouais. plus ou moins abouties, disons, et ce de tous les côtés de l'échiquier politique, même du côté d'Emmanuel Macron, qui a essayé de récupérer en quelque sorte son électorat, ou ce qu'il en restait hier soir, après sa petite allocution impériale faite sur la majorité des télés. Des télévisions, enfin des chaînes de télévision françaises. Ça a réuni quelques téléspectateurs, hein, environ 23 millions de personnes, ce qui est plutôt pas mal, mais finalement, qu'est-ce qu'il nous a proposé si ce n'est du vent? Qu'est-ce que t'en penses, Iman, toi? Un point qui m'a marqué, parce que du coup, j'ai pas pu écouter tout le discours, mais le seul moment où je me connecte un petit peu, le mec, j'entends qu'il parle d'immigration. Je me dis, mec, on te parle de revendications qui touchent l'économie, la société, l'écologie, la culture, les étudiants, le chômage. Tu réponds d'immigration, tu vois. C'est comme si je te dis coucou Jean-Yves Bardelot et que tu me sors du pain. Genre, mec, pourquoi? Oui, encore une fois, aucune cohérence dans les propos qu'il nous tient. Je trouve qu'il y avait un aspect en mode, c'était limite, ok les gars, j'entends vos revendications, mais le vrai problème, c'est pas ça. On va créer ou mettre en avant quelque chose de plus dérangeant selon lui, tu vois. Il va un peu masquer ou noyer le petit poisson, je sais pas comment on dit là, l'expression. Bref, moi c'est ce que j'ai ressenti. Il a pas noyé, il l'a écrasé le poisson. Écrasé. Je pense que le truc quand même qu'il a retenu, c'est qu'il y aurait, paraît-il, 100 € d'augmentation par rapport au SMIC. C'est le premier grand mensonge de ce président, qui est vu quand même par beaucoup de millions de personnes, puisqu'en fin de compte, on parle plutôt de la prime d'activité. Voilà, c'est plus précis. Qui n'est pas accessible à tout le monde. Qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc ça, c'est une première chose. La prime d'activité, elle peut être totale à 100% ou alors à 30%, 40%. Tout dépend, en fin de compte, aussi du revenu de son conjoint ou pas. Donc on n'est pas du tout en train de parler de 100 €, mais on peut parler de 30 €, de 40 €, selon les situations des personnes. Et autre chose, évidemment, ce n'est pas du tout accessible à tout le monde, puisque, effectivement, il y a toute une série de personnes qui sont dans une situation avec un conjoint qui gagne un peu plus d'argent, et donc ils n'ont pas le droit à la prime d'activité. Ça, c'est une première chose. Donc, ce n'est pas du tout une élévation du SMIC, c'est une petite augmentation pour les plus précaires autour de la prime d'activité. Premier mensonge, quand même, assez éloquent et assez impressionnant. Un des points aussi qu'on relève, c'est le fait que le gouvernement ne veut toujours pas taxer le patronat et les grandes entreprises du CAC 40. Ça, il ne faut pas y toucher. L'ISF, on ne revient pas, etc. Il faut savoir que ce n'était pas un grand truc socialisant, hein, l'ISF. C'était juste une meilleure justesse, quoi, une justice. Tout ce qui est les heures supplémentaires qui ne sont pas taxées, déjà, ça va encore une fois pour le droit social, c'est-à-dire que effectivement, c'est la sécurité sociale, c'est tout ce qui est autour des impôts liés à ça où il n'y en a pas d'argent. Et c'est aussi effectivement le fait de dire aux gens, si vous voulez avoir un revenu, eh bien, vous devez vous crever la vie au travail. Voilà le seul, je veux dire, logique. Et globalement, on est en train de parler d'une petite augmentation de 20-30 euros, globalement. Et c'est ça l'effet à gauche de Macron. C'est un, continuer à pas taxer les patrons. Deux, de considérer que s'il doit avoir des aides, c'est sur l'ensemble des salariés qui doivent, encore une fois, cotiser pour aider le plus pauvre d'entre nous. Donc la solidarité, elle n'existe pas. Et en plus, je vous rappelle, c'est la CAF, Caisse d'allocation familiale, qui fait la prime d'activité. Eh bien, déjà, la CAF, elle est dans le rouge. Eh bien, on va continuer à le mettre dans le rouge, car la stratégie, effectivement, c'est de casser la sécurité sociale, c'est de casser la CAF, c'est de casser toutes les protections sociales. Donc, plus ils seront dans le rouge, plus ils vont dire quoi ? Il faut réduire les aides, il faut licencier encore plus de gens dans la fonction publique, dans l'hôpital, etc. C'est, en fin de compte, on a affaire à un gouvernement à la Thatcher, qui a un mépris, une arrogance totale. C'est la Marie-Antoinette qui a découvert au bout de 5 semaines qu'il y a peut-être des gens qui sont en train de crever la dalle. C'est ça la réalité. Parce que si les gens sont en train de manifester, ce n'est absolument pas pour la révolution, c'est pour avoir un steak à la fin du mois. Et ce qui était assez révélateur dans tout ça, c'est de voir tous ces gens qui disaient « Moi, au bout de la deuxième semaine du mois, je n'ai plus de viande pour acheter. » Eh bien, ça dit quelque chose de cette société. Et j'y avais un souvenir, et je vais finir sur ça. C'était il y a quelques années, quand il y a eu le mouvement en Grèce contre l'Europe capitaliste, etc. Et vous aviez des retraités qui manifestaient, parce que du jour au lendemain, eh bien, ils n'avaient plus rien, plus de revenus, plus de ceci, plus de cela. Et elle était devant les CRS, cette dame, en disant... C'est pour la vie que je me bats. Et bien aujourd'hui, on est arrivé à ça en France. C'est que les retraités aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est un mouvement très solidaire, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on ne vit pas avec 500 euros par mois. Et il y a des gens d'en haut qui ne comprennent pas. Et on appelle ça la Marie-Antoinette. Et voilà, donc voilà. Et justement, nous, on était avec Iman ce samedi, on a suivi un petit peu les manifestations. Alors, à deux endroits différents, ouais. Deux ambiances différentes, deux publics différents, en quelque sorte. Ouais. Mon public, moi, c'était les CRS, beaucoup, les tanks et la guerre. Voilà, c'était un petit peu ça. C'était un moment très agréable, une très bonne journée, avec beaucoup de malox sur le visage. Iman, toi, c'était moi, un mon petit public, peu plus tranquille, c'était... Non, alors, très sincère, ce qui est très, très drôle, c'est que du coup, moi, j'étais sur les champs et on est arrivé très tôt. Donc en fait, à 9h, on arrive à Salaz. Là, tu vois déjà le filtrage. Clairement, il filtre tout le monde. Nous, on passe. Je ne sais pourquoi on passe. On arrive sur les champs. Et en fait, déjà, c'est un combat pour arriver sur les champs. En arrivant autour des champs, on a un premier barrage de flics. Et donc, ils nous contrôlent. Ils voient appareil photo, ça passe. Ils voient bouteille d'eau, ça passe. Et là, on voit les petits masques blancs là, de peinture et lunettes de piscine. Ils font, mais ça, c'est pas autorisé. Je suis là, bon, pourquoi et tout? Qu'est-ce qui se passe? Ils me font, ouais, c'est pas autorisé. Je dis, mais pourquoi? Enfin, expliquez-moi. Et je suis avec une pote, il fait ouais, on aimerait bien savoir, etc. Premier flic, franchement, c'est le seul intelligent du groupe qui nous fait bah écoutez, voilà, arrêté préfectoral, non. Je fais ouais, mais si c'est un arrêté préfectoral, pourquoi vous avez le droit d'en porter un, vous? On a exactement le même, enfin, je comprends pas. Et là, il y a une fliquette un peu conne qui me fait c'est considéré comme une arme. Alors, à moins de. Je sais pas, enfin. C'est ça, peut-être, tu vois, je me dis est-ce que je vais aller étrangler un CRS avec ça? Donc, je pense pas. Du coup, je vais perdre mon point de vue, elle me dit non, mais en fait, vous avez pas le droit, et nous, on en a un pour se protéger. Je regarde, je dis, mais en fait, vous protégez de quoi? Des gaz. Ouais, mais en fait, meuf, les gaz, c'est toi qui les jettes, tu vois. Et donc, je lui ai clairement dit, mais en fait, les lacrymos, c'est vous qui les jetez. Enfin, comprenez que nous, on en a besoin. Et elle me sort, ouais, mais en fait, si vous voulez pas vous faire gazer, vous allez pas en manif. Je regarde, je dis, mais en fait, être en manif, c'est mon droit. Et dans une manif normale, normalement, on n'est pas censé se prendre des dizaines de lacrymos à la gueule. Voilà, surtout quand c'est très calme. Après ça, il y a un chef de police qui vient, avec qui on discute un peu plus, qui me dit clairement. Moi, je suis grave d'accord avec vous. Enfin, c'est totalement débile d'interdire ça en manif. Maintenant, voilà, c'est l'arrêté préfectoral parce que pour le préfet de police, selon lui, si on a un masque blanc, on est un casseur qui va dévaliser les champs au pied, apparemment. Et voilà. Et ensuite, on a eu un échange très, très intéressant. Et après ça, la fliquette est revenue à la charge. Donc, ouais, on a failli se faire embarquer. C'était assez rigolo parce que la flic m'a quand même sorti. Mais le masque de piscine, vous l'avez acheté? Je dis, bah, pardon. Et donc, Anaïs, la flic avec moi, elle fait, bah, pourquoi elle l'aurait volé? Ah, bah, je sais pas. Je lâche, c'est parce que je suis noire ou ça se passe comment? Non, mais je sais pas trop. Ok, et juste après, c'est de façon. Vous nous cassez les couilles, machin, machin. Du coup, je lui ai dit, écoutez, je pense qu'on est très respectueux depuis tout à l'heure, donc on va éviter d'osser le ton. Voilà. Je pense que vous êtes pas des racailles, vous êtes censés être bien éduqués. Après, je pense que je me trompe. Voilà. Après, sur les champs, c'était assez intéressant. Il y avait de tout. C'était très calme. On s'est fait beaucoup gazer, en tout cas le matin, sans raison. Mais l'après-midi, ouais, c'était un peu plus la guerre l'après-midi. On était un peu bloqués. De toute façon, on en parlera plus tard, mais bon. Et moi, justement, le matin, moi, je suis arrivé à Saint-Lazare un petit peu plus tard. Ouais, plus tard. Parce que j'avais quand même un peu besoin de dormir. Et je me suis dit, tiens, je vais aller à la rencontre des gens. J'ai d'ailleurs rencontré Sarah du collectif Femmes en Lutte 93. Et on va écouter son interview tout de suite. Femmes en Lutte 93, on est un collectif de femmes des quartiers populaires. On est venu ici pour rejoindre et construire le mouvement populaire qui est en train de se faire. Il y avait une assemblée générale à Saint-Denis jeudi, appelée par l'Interpro, le comité Adama et d'autres collectifs. Nous, on est là pour dire que les femmes des quartiers populaires, les femmes exploitées, les femmes sans papiers, les femmes LGBT, elles sont là, elles sont dans la lutte. Ce qui se passe, c'est nos luttes, c'est ce qu'on dit depuis des années. La violence policière, c'est la violence qu'on vit dans nos quartiers. On le voit, là, les lycéens, ils s'en prennent plein la tête. C'est nos enfants que la police frappe. Donc on est là en solidarité. On est là pour construire une société antiraciste, sans exploitation. Donc c'est pour ça qu'on est là. Et dans quel climat, dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui, toi ? Dans quel état d'esprit vous êtes toutes aujourd'hui ? Quand on voit le dispositif policier et tout ce qui est annoncé, comment vous vous sentez en étant là aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes plutôt tranquille ? Est-ce que au contraire, il y a des craintes ? Et de manière générale, outre ce dispositif policier, dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment, finalement, avec tout ce climat social, une violence sociale qui est en train de grimper, parce qu'il y a de vraies inégalités, pardon, et que, au fond, tout le monde en a vraiment marre. Comment vous vous sentez, vous, en ce moment, et comment tu te sens, toi, aujourd'hui ? Nous, on est déterminés. On est fiers, on est déterminés. Et de toute façon, la violence à laquelle on est confronté dans les manifs, comparée à la violence qu'on vit dans nos vies, au boulot, avec nos chefs... On fait le ménage, on a des boulots de prolétaires, ça nous fait pas peur. En fait, la violence qu'on vit, nous, dans nos vies de femmes, on rappelle que 80% des travailleurs pauvres, ce sont des femmes. La violence, on la connaît, on l'affronte, on n'a pas peur. De toute façon, cette société, il faut la changer. Et est-ce que toi, t'as un petit mot à dire, au gouvernement, aux forces de police aujourd'hui ? Quelque chose de très rapide, et tu le dis comme tu veux, il n'y a pas de souci. Ben nous, à Femmes en Lutte, on dit que la place des femmes est dans la lutte. On sort de l'ombre, on est fiers, on va gagner. Merci beaucoup Sarah, je te remercie de m'avoir répondu et puis je te souhaite bon courage pour cette manifestation. Merci. L'interview de Sarah de Femmes en Lutte 93 qui évoquait tout simplement son combat et qui est un combat finalement... au jour le jour, un combat pour pouvoir manger, un combat pour vivre d'une manière digne et ne plus survivre, tout simplement, parce que c'est une chose qu'elle fait comme beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui sont précaires et qui n'ont pas les moyens de subsister jour après jour et qui sont aujourd'hui en colère après le gouvernement. Donc au moment où j'ai fait cette interview, c'était sur le parvis de la cour de Rome, c'était relativement calme, c'était nassé par les CRS, CRS étaient partout, moi je me suis fait contrôler, j'ai assisté à des contrôles en arrivant, moi je suis passé par un autre escalator, au moment où je suis arrivé, les CRS qui étaient sur place confisquer les pancartes des manifestants qui arrivaient. Non, moi j'ai juste les pancartes. Okay. Visiblement, les pancartes faisaient chier. Nous, on a vu, je te coupe deux secondes, mais autour des champs, quand tu quittes les champs, t'as une petite ruelle et vraiment, c'était le supermarché. Que des masques tout neufs, que des trucs pour les yeux, pancartes aussi, des gilets, enfin bref, tout était mis par terre. Donc CRS pollution. Voilà, je sais pas, mais bon, voilà, petite parenthèse. Et du coup, moi, pour avoir suivi cette manifestation tout au long de la journée, je suis rentré le soir quand j'avais des crampes un petit peu partout, en ayant passé une très très bonne journée. D'ailleurs, le matin, c'est globalement bien passé jusqu'à environ 14h, tout était relativement tranquille. On a défilé. En tournant en rond, ou en triangle, un petit peu plus en triangle, parce que tout se rejoint de manière triangulaire dans ce quartier. Mais globalement, tout se passait bien. Il y a eu des moments où les CRS ont voulu nous nasser. À ce moment-là, les manifestants sont allés à leur rencontre, de manière nassés. Très amicale. Et c'est à ce moment-là, les CRS se sont dit, c'est nous qui sommes nassés actuellement. Il y avait des manifestants de chaque côté, de part et d'autre. Ils se sont dit, bon, allez, laissez passer de toute façon. Ça arrivait plusieurs fois dans la journée. Hein. Voilà, c'est arrivé plusieurs fois. Ouais. C'est arrivé du côté de Châtelet. Hein, c'était magnifique. Ouais. Voilà, on se disait, voilà, il y a une petite solidarité. Les CRS, les forces de l'ordre sont dans un bon mood, tu vois. Un mood qui a pas duré. Non. je crois qu'ils sont montés rapidement dans les tours. C'est allé crescendo et disons que à leur un certain moment, quand nous sommes... Quand nous sommes arrivés au niveau du boulevard Haussmann, ça a commencé un petit peu à être moins sympa, disons, avec des CRS qui commençaient à être un petit peu plus tendus. À ce moment-là, pas encore de gaz. Et c'est quand on est arrivé boulevard des Italiens que là, ça a pété. Ils se sont ramenés avec leur camion, avec les pompes à eau, là. Ouais, ils en avaient deux. Ouais. Enfin, c'était plutôt deux fois qu'une, comme dirait l'autre. Et du coup, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à arroser tout le monde. Alors, je sais pas, ils ont peut-être confondu ces gens avec des plantes, j'en sais rien. Je sais pas. Soirée mousse, allez. Bah, oui, mais ils avaient oublié le shampoing, voilà, visiblement, pour faire une soirée mousse. C'est dommage, ils étaient à peu de choses près de faire un truc joli. Non, plutôt que ça, ils se sont dit, tiens, on va lancer la machine à fumer. Et ils ont gazé tout le monde, de sorte à faire reculer tout le monde vers République. En République, moi, j'ai pas eu la chance d'y aller. Non. Carnage. C'était un carnage, hein, moi, de ce qu'on m'a dit. On m'a envoyé des images, on m'a envoyé des vidéos. C'était un dur moment à passer. moi, j'arrivais plus à passer la ligne de CRS, en fait. Ouais. Je me suis retrouvé derrière les CRS. Et malheureusement, j'ai jamais pu retourner de l'autre côté. Ouais. Les CRS ne laissaient pas passer, que ce soit les personnes accréditées avec une carte de presse ou que ce soit les indépendants. Hein. Moi, pendant une demi-heure, j'ai un flic qui m'a dit « Et votre carte de presse, elle est où si vous êtes journaliste ?» Je suis indépendant. Connard. You know what I mean? Non. Mais voilà, c'est pas grave. On a quand même continué à marcher toute la journée. J'ai essayé de suivre ces manifestations. J'ai fini par perdre les manifestants. D'ailleurs, avec des Certains CRS. Certains ont réussi à arriver sur les champs. Alors, il y a des manifestants qui ont réussi à aller sur les champs. Il y en a qui sont retournés vers Saint-Lazare. Ouais. Ah bah si, aussi, qui sont revenus sur les champs après. Voilà, il y en a qui ont rejoint aussi la marche pour le climat, qui a réuni pas mal de monde, hein, et qui s'est fait sans heurte, de ce que j'ai compris. Mais du coup, il y a aussi des manifestants qui sont retournés à Saint-Lazare, qui se sont dit, on va rejoindre les champs par Saint-Lazare. Et quelle chouette idée, ce fut. quand ils sont arrivés à Saint-Lazare, moi, je suis arrivé, tout était tranquille. Les gens festoyaient, ils buvaient un café, ils mangeaient un petit sandwich, ils discutaient, tout était bien. Starbucks. Et moi, je me suis dit, bon, tiens, je vais aller vers les champs. Quelle idée ce fut. J'ai commencé à marcher vers les champs et je me suis retrouvé une rue plus ou moins vide, avec des gens comme ça que je croisais de manière aléatoire. Et soudain, j'ai vu une vague de personnes arriver, suivies par des gaz lacrymogènes. Je me suis dit, bon, peut-être continuer un petit peu. Voilà, j'ai mis un petit peu de malox dans mes yeux et puis je suis parti au front. Hein, en quelque sorte, parce que c'était des scènes de guerre. Et finalement, en arrivant vers les champs, je me suis retrouvé face au CRS. Ouais. Un moment assez incroyable. Hein. Ils étaient là, ils ne bougeaient pas. On aurait dit des statues au milieu de la fumée. C'était très joli. Il y avait de quoi prendre de jolies photos. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Je me suis mis à courir. quand j'ai vu qu'un CRS me visait avec son flashball, la balle est passée... Enfin, la balle... le projectile. Ouais. Le projectile est passé à quelques centimètres de moi. Je me suis décalé au bon moment. je me suis dit, bon, ça va être une bonne soirée. Je suis retourné du côté de Saint-Lazare. Alors, en effet, il y avait des casseurs à Saint-Lazare. Oui. Ouais. Ils ont explosé le Starbucks. Ils en ont fait un feu de joie. C'était plutôt Starbucks, sympa. Starbucks, paye tes impôts. Ils ont utilisé, le mobilier pour faire un feu de joie. Voilà, ils ont chauffé le cœur des Français. Voilà. Mais bon, voilà, jusque-là, ça allait. Il y a eu une ambulance qui a voulu passer. Cette ambulance s'est retrouvée sous les projectiles. Il y a eu un grand mouvement de désaccord, hein, quand même, de la part des personnes qui étaient sur place. Parce qu'en général, il est passé... Parce que c'était une minorité de personnes, hein, qui balançaient des projectiles dessus. Ok, d'accord. Et très rapidement, y a pas mal de personnes qui sont allées les voir en leur disant non, ça par contre, c'est pas possible. Ouais, pas les ambulances. Sauf qu'à ce moment-là, l'ambulance avait déjà reculé et que pendant que l'ambulance reculait, les CRS avançaient. Avançaient, ouais. Si bien que quelques minutes après, j'étais en train de faire une interview de femmes qui étaient présentes sur place, de gilets jaunes. Malheureusement, je ne peux pas vous rediffuser cette interview ce soir parce que l'interview a été assez mouvementée, étant donné qu'on s'est fait chasser plusieurs fois à coups de gaz lacrymo. Donc à ce moment-là, moi, je me suis réfugié dans un hall d'immeuble au niveau de Saint-Lazare qui était ouvert, comme beaucoup de personnes. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu une femme qui était âgée de 76 ans, que j'ai interviewé après, ouais, qui en fait se dirigeait vers les CRS toute seule dans le brouillard, dans le brouillard lacrymogène, criant son mécontentement, hein, et qui s'est violemment fait bousculer, ouais, à coups de bouclier, oui, par un CRS, hein, qui est arrivé, qui lui a foutu un coup de bouclier. La pauvre dame s'est retrouvée par terre. C'est normal. Pour fort heureusement, elle n'avait rien, hein, mais bah, beaucoup de colère, hein, qui a été, ouais, retranscrit après. Et c'est au moment où je suis ressorti que ça a commencé à se gâter. Ouais. C'est là que ça montait vraiment à une vitesse qui était incroyable. Moi, je me suis dit, bah, tiens, je vais suivre un petit peu les mouvements des gens qui restent sur place. Premièrement, j'ai voulu aller interviewer des gens qui étaient restés dehors, qui n'avaient pas pu rentrer. Dans la gare Qui n'avaient pas pu rentrer dans la gare. Okay. Voilà, donc je suis reparti au niveau de la cour de Rome. Ouais. Des CRS étaient là, et quand ils ont vu que je commençais à me diriger vers les gens, hein, il y avait mon micro qui était bien en évidence, ouais, ils ont tiré des lacrymos vers moi, hein, voilà, ouais, de sorte à ce que je parte de l'autre côté, sauf que moi j'ai traversé. ça piquait les yeux, mais ça allait, c'est pas grave. J'ai récupéré des masques du coup sur les champs, si tu veux. Mais c'est super, voilà, comme ça on les aura pour samedi, ouais, prochain. Mais voilà, tout simplement, hein, ça a commencé là, quelques gazages, jusqu'au moment où je me suis fait matraquer la gueule, voilà, par des CRS qui chargeaient d'un côté. Moi j'étais derrière eux, et tout d'un coup ils se sont retournés et ils ont décidé de charger dans l'autre sens. Je pense qu'ils t'ont confondu avec un truc de punching ball, tu vois. Ils se sont dit, on va s'entraîner un petit peu sur lui. Non, mais ils ont foncé tout simplement sur une ligne de presse qui, ouais, était derrière eux, et peut-être qu'ils ne voulaient pas être filmés, qu'ils ne voulaient pas qu'on parle d'eux sur ce moment-là. C'est dommage, je suis obligé de le faire ce soir. mais voilà, du coup, je parle d'eux, non sans cacher mon plaisir. Mais au fond, voilà, c'est pas grave. Je me suis fait matraquer, j'ai des bleus, c'est pas grave. Je suis content d'avoir vécu cette journée qui était assez incroyable et qui montrait bien, ouais, le mécontentement d'un peuple tout entier. Et qui finalement à ce jour se trouve ne pas être fini, hein, puisqu'on, non, a l'acte 5 qui arrive, ouais, samedi, c'est ça. Mais ouais, et du coup nous ce qu'on a vécu sur les champs, c'était un peu plus différent. Ouais, faut savoir que sur les champs, en gros, tous ceux qui étaient là le matin, il y avait peut-être plusieurs milliers de personnes, et c'était franchement c'était top, c'était très détente, tout le monde discutait avec tout le monde, et après plus on avançait dans la journée, plus on se faisait un petit peu gazer. Sans vraiment de raison, donc forcément, ça commençait à monter. Les CRS faisaient des trucs assez rigolos pour chauffer les manifestants. En gros, tout le monde est posé, et ils partent d'une rue, ils la traversent pour aller sur la rive de l'autre côté, et ils sont là, bah, on va charger. Et ils font des petits mouvements, en gros, pour faire flipper les gens, et puis ils se barrent. Donc la première fois, tu flippes un peu, la deuxième fois, tu dis... CRS. Voilà, c'est grave, ouais, c'est un peu ça, c'est grave ridicule. On a vécu quoi ? Après, ouais, c'est un peu à commencer à péter, il y a vu Marceau de l'autre côté. Donc c'était pas du tout sur les gens, c'était de l'autre côté. Donc là, forcément, c'était un peu plus violent et ils ont commencé à mettre des petits coups. On a vu pas mal de bavures, on a vu un jeune qui s'est fait tabasser. Mais quand je dis tabasser, c'est ils étaient à plusieurs et c'est plus que des coups de matraque, vraiment, c'était chaud. Sauf que, bah, évidemment, en fait, personne ne peut intervenir parce qu'ils l'ont. Ils font un cercle, ils le tabassent et en fait, tu viens, tu te fais gazer, donc c'est un peu chaud. Après ça, bah, c'était un peu trop violent. Donc nous, on s'est dit, on va peut-être retourner vers Saint-Laz, il devait être vers 17h30, 18h. Ouais, et en fait, le truc, c'est qu'en partant de Saint-Laz, on est parti avec un groupe de manifestants qui chantaient « on est là », etc. Très calme. En fait, il y a des mecs qui tapaient dans leurs mains, il y avait des tambours, c'était super cool. Et en fait, on arrive place Saint-Augustin, donc des cas finissent de... Déjà, un gendarme arrive, il fait « ouais, arrêtez-vous ». On regarde, genre, mec, on veut juste rentrer chez nous. Et il fait « ouais, si vous avancez encore, on va vous gazer ». Je le regarde, je fais « en fait, excusez-nous, nous, on veut juste rentrer ». Donc, si on va vous gazer, enfin non. Fait, bah, vous faites le détour. Donc, on fait un tour. On arrive dans une ruelle où il y a une ligne de CRS qui est là, qui nous attend. Qu'on se dit, bon, on passe quand même. On est 50, on peut le faire. On est passé. Et en fait, à cet endroit-là, il y avait beaucoup de manifestants. Donc, il y en a plein qui ont rejoint l'espèce de mini-marche qui est en train de se refaire. Et là, on se retourne. Genre 200 personnes. Je suis, ah ouais, les gars, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On arrive à Saint-Laz. Et en fait, c'est là que ça se corse. Parce qu'il y avait des affrontements. Il y avait les blindés qui étaient postés devant le Starbucks. Donc, on a fait un détour. Ils ont commencé à gazer les places, la cour de Rome, mais ils ont pas gazé genre une personne. En fait, ils ont gazé toute la place. Ils s'en battaient clairement les couilles de savoir qui était là. Il y avait des voyageurs qui étaient là, qui arrivaient sur Paris, qui ont été bloqués dans la gare. Enfin, c'était n'importe quoi. On a vu un mec en béquille, et c'est des mecs qui se passaient par là qui ont dû le porter, et ils ont failli se prendre des coups de flashball parce qu'ils sont allés le chercher en fait. Donc c'était très très violent. Au bout d'une demi-heure, 45 minutes d'enfermement dans la gare, sans vraiment de raison à part on vous protège du gaz. Ouais, mais connard, si t'avais pas tiré le gaz, je serais pas là. Bref. On sort, et là, en fait, c'est là que j'ai vécu, bah, toi, ce que t'as vécu par rapport à tout ce qui était presse. Là, en fait, je me suis postée avec tous les photographes, mais c'était hyper violent. Au début, on est là, on prend quelques photos. Il y a un mec qui me fait, meuf, décale ton appareil et décale-toi, genre, mets-toi derrière le truc à de la presse, la cache-toi. Je dis pourquoi, il fait parce que regarde. Et là, t'as un petit CRS qui est comme ça, qui a planté son flashball. Donc en fait, il est genre à 5 mètres de moi, qui le plante en direction de nous et qui veut tirer en gros. Mais c'est pas, enfin, il tire à hauteur d'homme, à la tête, ce qui est totalement illégal de base. Mais bon, ils se sont octroyé ce droit depuis 2 semaines. Je sais pas qui a autorisé ça. Donc voilà, hyper agressif. À un moment, ils viennent nous voir. Oui, vous avez pas été là. Pourquoi? Oui, parce que vous avez pas été là. Oui, mais pourquoi? Enfin, je sais pas. Liberté de circulation. Je pense que je suis une citoyenne, je suis en règle. Et surtout, liberté de la presse. C'est ça. Enfin, en fait, je suis en règle. J'ai mes papiers. J'ai pas fait de la merde. J'ai pas d'armes sur moi. Je dérange personne. Je prends des photos. Donc en fait, me casse pas les couilles. Ils ont essayé de nous intimider. Ça a pas trop marché. Mais après, ils nous ont lâchés dans une rue. Là, on a été obligé de bouger parce que les petits coups de matraque, ça fait mal quand même. Et en fait, dans une rue, pareil, bavure sur bavure. On a vu des mecs qui chopent un mec, qui lui mettent des gros coups sur la tête, mais sans raison, quoi. Le mec, il passe par là. Et à un moment, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que j'ai vu une meuf qui devait. Franchement, mon mollet, c'est sa cuisse, quoi. Genre, meuf, 50 kilos, toute fine, etc. Et en fait, ils faisaient des barricades, et elle avait une pancarte. Et ils lui ont dit, ouais, tu poses ça tout de suite. Donc, elle a levé les mains en signe de paix, en gros, les gars, c'est bon, je la lève, je fais rien. Et là, il y a 4 gros gaillards qui viennent, qui commencent à la tabasser, coups de matraque, coups de casque et tout. Donc forcément, nous, on rentre dedans, on sépare. On va au contact des CRS, donc ils commencent à nous pousser. Et moi, je fais, en fait, mec, pas du tout, tu me pousses pas, genre, enfin, c'est dégueulasse. Clairement, vous allez pas faire des bavures. Franchement, des bons flics, c'est horrible, enfin, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais sur toute la journée, j'ai dit, on va au moins 5. Mais quand je dis des. Non, sur les 1000, ouais, sur les 1000, c'est rien, tu vois. Mais en gros, il y a des flics qui ont passé, des fois, je faisais, les gars. Il me faut, ouais, il y a un keuf qui me dit, bah écoute, les lunettes, normalement, je vais te les enlever. Je fais, écoute, moi, je viens juste prendre des photos et faire des vidéos. Enfin, il n'y a rien d'agressif, mais pas tu sais quoi. Cache-les sur toi, au moins, on fait pas le corps, donc cache-les sur toi, ça passera. Un autre qui me sortait, ouais, ça va, tiens, prends un peu d'eau, tu vois. Ou il y a même un flic qui m'a dit, clairement, moi, j'en ai marre, ça fait 3 semaines que je suis mobilisée. En vrai, les revendications, je les comprends parce que j'en partage plusieurs. Mais bah, c'est mon taf, et du coup, je suis là. Et en fait, les règles qu'on reçoit, c'est clairement. Vous n'avez, enfin, tabassez qui vous voulez. En fait, ils ont clairement reçu cet ordre-là. C'est, vous avez tous les droits. Il y a même une loi qui est passée, en gros, en soum-soum. C'est, vous pouvez taper les manifestants, et si jamais il y a une plainte contre vous, il y aura pas de suite. Techniquement, pas de suite. En gros, ça dépend de la gravité, mais en gros, normalement, il y aura pas de suite. Et voilà. Du coup, c'était assez violent. On a, ouais. Ce que je voudrais juste souligner, c'est que effectivement, c'est un peu une réaction à chaud que vous décrivez. Mm-hmm. Donc il y a des faits vrais et des frais qui sont plus ou moins, voilà, donc ça c'est important de le dire. Il y a une réalité, c'est que ce qu'on a vu, c'est que chaque mouvement de manifestation, ce sont des centaines ouais. d'arrestations. Et non, c'est pas cool, malheureusement. Et je voudrais savoir, je sais pas si tu m'entends, Robinson, si vous voulez pas réagir par rapport aussi à ce qui s'est passé, ce que tu en penses aussi, puisque toi tu as participé à plusieurs manifestations. J'avais envie d'ajouter ce point de vue. J'ai pas pu être malheureusement ce samedi à la manifestation. J'y étais les deux semaines d'avant, en tant que petit visiteur gentil et calme, disons, entre guillemets. Hein, Iman ? Non, oui, bon, j'ai reçu un flashball, bien évidemment. Bon, au genou, hein, j'ai eu de la chance. On peut rappeler évidemment qu'il y a eu 1500 environ interpellations dans toute la France. Clairement, une rafle des manifestants. J'avais envie, voilà, de dire ça. J'étais sur mon lieu de travail et 2-3 personnes ont parlé des gilets jaunes et j'avais envie de parler de ce point de vue extérieur qu'ils ont donné, point de vue donc. Plutôt de la classe moyenne, confortable et loin de tout ça, disons. Ça commençait par de la micro-compassion pour les très pauvres, donc les vrais gilets jaunes qui se battent. Donc il y avait une micro-compassion. Bon, c'était gentil, c'était mignon. Mais après, tout de suite, ça partait dans des discours. Voilà, en France, de toute façon, les pauvres, ils ont quelque chose contre les riches. Il y a une jalousie vers les riches, etc. Voilà, donc le débat commence comme ça, très intéressant. Après, ça continue avec « Ah, il y a des objets cassés, il y a des boutiques. Oh là là, c'est pas bien. Et puis c'est qui paye ? C'est le contribuable. » Ok, d'accord. C'est, voilà, on avance dans des trucs très intéressants. Après ça part dans les sujets très sympas. Oh, de toute façon il y a des pauvres qui fraudent le RSA, les allocations, etc., etc. Voilà, on sort complètement du sujet. Donc voilà, ça m'avait assez interpellé. Aucune vision concrète sur ce qui se passe, une distance par rapport aux faits, par rapport aux messages politiques, que dalle. aucune prise de parti par rapport à justement à un message politique qui est véhiculé derrière. Voilà, j'avais envie de dire ça, juste pour rappeler qu'une partie voilà, de la classe moyenne est complètement dans sa bulle, ne sait pas vraiment ce qui se passe. C'est voilà, un discours de classe, hein, évidemment. Voilà ce que j'avais envie de dire. Ils sont complètement informés simplement sur ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire une casse. Juste casse. Donc voilà, c'est comme les manifestations de la loi travail les années d'avant. Il n'y a aucune évolution à ce niveau-là. Donc j'avais envie d'avoir ton retour aussi, Mouloud, par rapport justement à cette bulle dans laquelle est la classe moyenne. Le truc, c'est qu'il est évident qu'il y a une rupture. Et on le voit, il y a des gens qui sont encore des électeurs de Macron, et ce n'est pas par hasard. C'est qu'ils ont... touché le pactole. Plus tu gagnes d'argent et moins tu payes d'impôts. Et voilà, ça se voit. Il y a effectivement, vous vous baladez dans les rues de Paris, vous avez des magasins remplis, des chaussures à des milliers d'euros. Il y a des gens qui achètent. Et aussi, surtout, une très grande souffrance qui est très cachée aujourd'hui. Et je trouve que c'est révélateur de ça. La chasse aux pauvres, c'est depuis ce discours-là, ce slogan-là, c'est depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Plus il y a de chômeurs, et plus on explique que les chômeurs, ce sont eux les responsables, les salauds de pauvres. Et c'est là où vous voyez le discours de Macron, qui, quand il voit un pauvre jeune de 16 à 18 ans dans sa garden party, il dit il suffirait que tu ailles de l'autre côté à taper à la porte du café pour avoir ton travail. Mais dans quel monde il vit ce mec? Effectivement, comme il y a une vidéo que j'ai passée sur Facebook, dans notre... au fond près du radiateur. Oui, il a du mal avec la technologie. C'est pas ça. Je suis en train de parler sérieusement, déjà, première chose. Et là, tu as une interview avec des ouvriers de Peugeot, où tu as le ministre des Finances. Et là, le dialogue est très intéressant, parce qu'à un moment donné, il dit, mais de venir vous ruinez l'entreprise. En parlant des délégués de la CGT. Et lui, il répond, de toute manière, vos enfants ne seront jamais pauvres. Ils auront toujours les meilleures écoles. Nous, c'est nous qui faisons le travail. Et nous sommes dans la merde. Et qu'est-ce que vous venez faire dans cette usine? Et lui pose la question, il répond, de toute manière, vous êtes venu ici pour vendre l'entreprise Peugeot et faire des cadeaux aux entreprises. Et je trouve que ce dialogue entre des ouvriers de Peugeot et le ministre des Finances est révélateur de ce décalage entre une classe, et je pense qu'il y a la sociologue Pinson-Charlot qui a fait tout un travail sur ça, à quel degré ils bouffent des dollars. Donc on va faire une pause musicale et puis on va revenir sur au fond près du radiateur. Pour qu'il vive le cœur des Français et on va lui faire prendre conscience que son visage a changé. 365 jours, c'est la merde de mars en mars. Abusé, capuché, tu peux me trouver dans la marche. Là où ça parle en blague, plan beurre, même en chinois, parmi ceux qui mangent des pâtes sans beurre. Depuis 6 mois, entends-tu les battements de cœur, les fragments de pleurs de ceux qui comptent plus sur la chance mais sur leurs deux pieds. Violence raciale, police, garde de ces jours. C'est nous qui faisons la France, personne m'écarte de ces tours. De mon vocabulaire, j'ai effacé, abandonné. C'est marche ou crève, moi mes rêves font de la randonnée. Étant donné qu'on a tant donné depuis tant d'années, perdu tant des temps, de l'argent, finir condamné. C'est pas ce que je souhaite, même si nos rêves sont encerclés. Dépouillants sanglantés sur les sentiers de la liberté. Dans la rue des millions, traités comme des chiffons. Si l'amour est aveugle, l'état doit être cupide. Lampedusa, je regarde la télé, l'air médusé. Né du mauvais côté de la Méditerranée. L'espoir fait mourir, toute ma famille s'est noyée. Au fond de la mer, tant de vie broyée. Je rêve d'avoir les papiers. Casanegra, combien tu rêves pour faire l'oracle? Carte de séjour, j'avais 4 piges dans mon anorak. Les anciens font preuve de courage. 83 la marche, une bouée de sauvetage. Coincé mes rêves sont partis au large. Bizarre, en première ligne quand il s'agit de la misère. On appelle ça des balivernes quand les arabes se manifestent. C'est minable, atroce combat, on marche le torse bombé. C'est con mais vous ne pouvez rien contre la force du nombre. On fera passer nos idées quitte à fracasser les vôtres. On soutiendra les nôtres juste pour agacer les autres. 1983, la machine est en marche. Il suffit d'une garde de séjour pour que les racistes s'emballent. Ma France je t'aime, mais toi tu ne m'aimes pas. Quand je viens vers toi, parle-moi, ne me repousse pas. Marchons main dans la main, dis-moi ce qui ne va pas. tes enfants te pardonnent, ne l'oublie pas. Bataille pour nos droits, parce que ça caille sous ton doigt. Nos voix, dis-moi, ils servent à quoi? Elles sont comme muettes, nos voix. Donc je marche pour que tu me vois, vois et te souviennes à jamais. 1983, les mains guettent plus jamais. De Tolstoï à Gandhi, de Gandhi à Luther, de Malcolm aux mains guettes, les frères s'inspirèrent. Marche des beurs, marche des frères, marche des sœurs. S'ils en ont marre des nôtres, ils en ont marre des leurs. Car ici, c'est chez nous, goddamn, c'est notre putain de pays. Depuis que je suis petit, ma mère paye, paye, paye, paye. De la marche en 83 aux émeutes en 2005. La rage ne fait que dormir, un espoir en demi-teinte. SOS drogue, SOS cool, SOS staff, comment tu veux qu'on reste cool? SOS ça veut dire, ce soir on sort. On en a tellement rien à foutre que ce soir on shoot. Et l'heure est grave frérot, l'heure est grave gros. La politique fait que de la merde, demande à Serge Dassault. Au fait, me récupère pas, je suis irrécupérable. Depuis l'époque où il me disait, d'ici c'est pas récupérable. Quand commencera notre histoire, commencera notre rive? Adon à la dérive, mon seul radeau fuma sera adoptive. Ma meilleure amie porte le foulard plus joli que ses filles peintures lurées. Laissez les gens vivre leur religion, j'ai envie de partir hurler. C'est qu'on te juge du regard, pas graciste. De toute façon y'a pas plus qu'un gars qu'un raciste. C'est terroriste, veulent le faire taire l'islam. Quel est le vrai danger, le terrorisme ou le délogisme? Les miens se lèvent tôt, j'ai vu mes potes au taf et je réclame un autodaf. Et pour ces chiens de Charlie Hebdo. Je marche, je pense, je crie, je pleure, j'apprends, j'avance, je vis, je meurs comme toi. Avec des rêves pleins de cœur. Je suis né ici, si, j'ai grandi ici, si, je veux construire aussi si, ma vie et ma famille comme toi. Je veux avoir aussi le droit. Comme toi des rêves plein la tête, ton âme est vide, sont nos poches. Pas le même combat donc on fonce quand l'état nous stoppe. C'est qu'on cultive la différence sur la différence. Mais qui ose me parler en France de l'égalité des chances? On ne raye pas une façon de vivre avec un stylo. Un stylo n'aspire pas au respect avec des chiffres. Depuis quand la liberté a-t-elle une couleur? On marche la tête haute même si sont menottés notre bonheur. Génération Zidane, black, blanc, beurre. La France, on a eu peur, c'était qu'un battement de cœur. Un élan, une dynamique aberrant. Tu sois au FF. Après ça qu'on compte le plus d'adhérents. J'ai vu la France pencher. La marche des beurs de 83 fous en a la gorge tranchée. La bête n'est pas morte, elle ne sommeille même plus. Et au fond des regards, on ne voit plus que des je t'aime plus. On m'a dit aimer la France ou quitter là. Pour vous représenter, on a mis des ramayades et des favelas. Pourquoi vouloir une bibliothèque dans vos favelas? Tenez un terrain de foot, vous deviendrez tous des Benzema. Je sais que c'est mort là le schéma. Ils veulent me faire croire que ma couleur de peau c'est de l'eczéma. Puis ils s'étonnent que les jeunes ont la rage. Ce soir mon rap n'est pas un cul, j'arrête, il est prêt pour la marche. Les peurs, je crache balafre lésique. Marche des beurs, révolution paraplégique. La haine dans les cœurs, les plaies cicatrisent malogiques. Les armes font les cœurs en couilles, ça part comme en Égypte. Qui gagne à la fin, qui s'approfite, j'hésite. Entre les coups et les cris, les pleurs, j'évite. J'écris cette génération, fier et sacrifié. Frère à qui faire confiance, ma zik est scarifié. On a marché sur la ville quand nos pays semblaient sourds. Résultat amer, c'est la vie qui a marché sur nous. On nous oppose terroir et guinguette, comme s'il y avait que des terroristes qui ont émané du fond des minguettes. Levant le drapeau, non pas pour le défier, ils s'en sont méfiés, n'ont retenu que les caissiers. Nos combats assimilés à de graves délits, quand des philosophes de merde écrits nous vendent des livres. Ou des ouvriers piègent en boîte avec du gaz. Si on fait la même, je te dis pas, c'est le raid qui nous envoie. Des gens peuvent saccager les biens publics, nous poussant en France de sang. Vive la République, c'est dingue. Ils nous concèdent rien de noble. Des émissions d'actu pourris de la haine font le socle. Quel nom prédestiné, TNT, toutes nos illusions d'unité, dynamité. Moi aussi, je suis un marcheur. La France est comme une mobilette. Pour avancer, il lui faut du mélange. Rebonjour et rebonsoir, vous êtes toujours en direct sur Au fond près du radiateur 106.3 FM. Donc voilà, pour revenir sur le sujet, j'ai bugué. Pour terminer, en fait, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on va parler un peu de la répression de la presse. Et en fait, c'est vrai que le mot d'ordre. actuellement, c'est clairement en fait d'avoir le moins d'images possible. Donc en fait, si vous allez en manif, soyez très prudent, mais en fait, filmez tout. Clairement, filmez tout et balancez-le le plus possible pour contester toutes les images qui sont balancées sur BFM Mytho, sur tout le reste. Voilà, soyez à fond. Par rapport à ce mouvement, ce qui est cool, c'est que les revendications qu'on a eues jeudi, c'était pas juste la 10 qu'on a eue, on a eu d'autres trucs. En plus de tout ce qui était écologie, société, etc., il y a eu des 4 points hyper intéressants. Il y a un mec qui a même fait une vidéo. C'était le droit de pouvoir faire abroger une loi si elle passait, en gros. Si on est contre la loi, on a le droit de dire non en tant que peuple. Il y avait le droit de pouvoir, en gros, si tout le peuple est contre un président ou un ministre, en fonction de vote, si on vote, on peut destituer cette personne. Ça, c'est super cool. Il y avait la reconnaissance du vote blanc, parce qu'il ne faut pas oublier que Macron a quand même été élu par défaut. Et aussi, il y a eu quoi ? Il a été élu à 16% au final, et en vrai, il y a eu 80% d'absentéisme, donc voilà, ça c'était cool, d'absentéisme, et voilà, et en plus de ça, il y a aussi beaucoup de mouvements, enfin il y a eu beaucoup de collectifs autour, notamment tout ce qui est étudiants et lycéens, parce qu'il faut savoir qu'il y a une réforme qui s'appelle la réforme Blanquer, qui en gros prévoit la suppression des filières, et donc la mort de pas mal de matières, et en fait renforcer la sélection dans les facs et dans les facs, tout court. Donc il faut savoir que la semaine dernière, il y a eu quasiment tous les lycées, beaucoup de lycées, notamment alors en Ile-de-France et aussi à Paris même. Paris, il y a eu le lycée Maurice Ravel, il y a eu un lycée dans le 3e arrondissement, 95, 93, 92, ouais, 92, où il y a eu beaucoup de lycées mobilisés. Les keufs, pas forcément, c'est pas comme les manifestants, c'est pas comme en manif où les mecs sont préparés, les lycéens n'étaient pas prêts, donc forcément, il y en a plein qui se sont fait gazer. Il y a eu énormément de bavures, il y a un mec qui a la joue totalement défoncée, il est encore à l'hôpital actuellement. Les 150 lycéens qui ont été mis à genoux, apparemment, c'est normal. Mante la jolie, ouais, c'est normal. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est les commentaires des parents derrière, genre, ouais, mais en fait, c'est tout à fait normal. Non, je pars du principe qu'un lycéen, tu l'arrêtes. À la limite, déjà que tu le fasses asseoir par terre, normal, c'est hyper humiliant, mais genre, restez dans un coin, on vous embarque. Les mecs, vous les embarquez, vous les mettez à genoux, les mains sur la tête, mais franchement, moi, je me croyais en 45. Dans la boue. Non, mais oui, dans la boue. Tu vas faire la lessive après, tu vois, enfin bref. Donc voilà, et au-delà de ça, il y a aussi toutes les facs qui se sont mis en grève. Par exemple, alors moi je suis de Nanterre, donc forcément j'ai vu ce qui se passe à Nanterre. Nanterre, ils réagissent forcément par rapport au blocus des lycéens et aux bavures qui ont sévi, parce que c'est quelque chose à dénoncer clairement. Et en plus de ça, il y a des lois qui sont en train de passer par rapport aux étrangers, par rapport aux immigrés, où en gros le gouvernement a décidé de faire monter les frais de scolarité pour tous les immigrés et les étrangers. Comme si c'était pas suffisamment cher pour eux. Donc voilà, alors à Nanterre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une semaine, ils ont annoncé un blocus. Donc ils ont fait voter le blocus, et il n'y a qu'un seul bâtiment qui a refusé, donc le bâtiment de droit, évidemment. Surprise, yes. Et voilà, et du coup ce matin, en fait, non, ce matin, et même hier, en fait, il y a eu un blocus, le blocus a commencé. Mais ce qui est cool, c'est que les mecs qui font le blocus ont dit clairement, nous, on va bloquer pour telle raison. On va pas faire un blocus à 100%. En gros, si vous voulez pouvoir accéder, parce que c'est la semaine des partiels, si vous voulez aller en cours ou aller en partiel, on va laisser une brèche. Sauf que notre cher président de fac a dit clairement à la sécurité, vous ne faites entrer aucun étudiant. Le but, c'était de faire croire que c'était les mecs qui manifestaient, qui faisaient le blocus, qui empêchaient les étudiants, sauf qu'en fait, pas du tout. Et donc là, forcément, monsieur Balaudet se fait un petit peu niquer, parce qu'il y a un aspect, en fait, mec, on a le droit de bloquer, on a le droit de faire la grève. C'était très bien fait, et en fait, à cause de toi, des centaines d'étudiants, enfin des centaines, même des milliers d'étudiants, n'ont pas passé leur partiel, donc les étudiants sont très, très, très fâchés. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, on partait juste de la hausse par rapport à l'immigration, de la sélection et des réformes pour les lycéens, et au final, maintenant, c'est les étudiants qui se disent, mais en fait, nos dirigeants sont des fils de bip. Bip. Voilà. Il faut rappeler qu'à Saint-Denis, il y a une AG, je crois que c'est à 18h, etc., cheminots, étudiants, etc. Donc, vous avez les facs de Tolbiac qui a déjà été fermé demain. Et ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, vous avez Nanterre, Tolbiac, qui a effectivement un début de mouvement étudiant. Il y a eu une manifestation à Saint-Michel. Et visiblement, dans toute la France, il y a eu plus de 700 lycéens arrêtés, interpellé. Donc on veut vraiment dès le début surtout faire qu'il n'y ait pas de mouvement étudiant lycéen, ils ont les trouilles de ça. Donc là on a été hier à Tolbiac, il y avait plein de vigiles. Donc ils ferment la fac tout simplement, c'est ça la technique. Et en tout cas, ils essayent de fermer la fac. Et vous avez de manière, il faut suivre ça, ce mouvement étudiant qui commence, etc. Imane, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, alors en fait, il faut savoir qu'à Tolbiac, c'est pas en fait à Tolbiac, cette année en donc mai, juin, etc., la fac elle avait été bloquée pendant un mois. Il y a eu énormément de dégâts et que du coup, le président, par mesure de précaution, il a dit en fait, vous filtrez clairement à l'entrée et vous laissez passer personne et vous retournez dans la zone, enfin vous retournez dans le quartier. C'est pour ça qu'il n'y a aucun blocus. À Nanterre, c'est ce qu'ils ont voulu faire, sauf que ça a créé des... de la colère et que du coup, les gens bloquent. T'inquiète. T'inquiète. Et voilà. Ensuite, bah, du coup, les points rassemblement. Nanterre, nous, on est bloqués jusqu'à jeudi. Il y a des AG tous les jours. Il y en a une demain. Il y en a une très grosse jeudi matin à 10h. Donc, pour ceux qui sont à Nanterre, allez-y, ces bâtiments. Il me semble que c'est le D1. Ensuite, il va y avoir pas mal de rassemblements. Vous pouvez checker ça sur les événements sur Facebook pour, en gros, comprendre un peu ce qui se passe. Comprendre un peu ce qui se passe et surtout quoi faire. Ensuite, en tant que rassemblement, il y a aussi samedi. Encore une fois, il y a samedi rendez-vous partout dans Paris. Vous pouvez checker les événements, il y en a plein qui vont aller sur les champs, mais je pense que ça va être peut-être un peu plus dangereux. Et il y a aussi un événement qui dit, en gros, on donnera le lieu à la dernière minute, un peu comme les rage parties, donc ça, c'est cool. Et voilà. Et si vous sortez ce week-end en manif, n'oubliez pas, bon alors, je me ferais peut-être défoncer si je dis ça, mais si vous avez des masques ou quoi que ce soit, cachez-les sur vous. Si vous êtes de la presse, bah, faites attention à vous, et même les citoyens lambda, faites attention à vous, et voilà. Et peut-être pour rajouter quand même, parce qu'il n'y a pas que les étudiants hein, qui ont rejoint ce mouvement des Gilets jaunes, pas forcément en portant eux-mêmes le gilet jaune, hein, mais il y a par exemple un mouvement des soignants, d'infirmiers, qui ont rejoint hein, donc les blouses blanches, qui ont rejoint ce mouvement des gilets jaunes. Et il y a aussi un autre mouvement, peut-être qu'Anthony, tu pourrais nous en parler, qui est le mouvement du CLAC. Le 1er décembre, il y a le CLAC, donc Comité de Libération et d'Autonomie Queer, qui a appelé à rejoindre les Gilets jaunes, donc tout ça dans cet esprit de convergence des luttes. Et c'est aussi, en fait, afin de se mobiliser, de revendiquer un espace qui leur était pas forcément réservé et qui était, pour ne pas dire hostile, en fait, à l'égard des personnes queer. Et du coup, ce mouvement, le CLAC, a manifesté à partir du 1er décembre, mais aussi la semaine d'après, le samedi suivant. Et c'est hyper intéressant de voir ça, en fait. Et en fait, pour moi, ça s'inscrit un peu dans la lignée du phare qui, en 1987, je crois, avait appelé à rejoindre la CGT, le Parti communiste. Pour des manifestations et pareil pour en Angleterre avec les mineurs en fait les lesbiennes and gays for the minors avaient appelé à rejoindre en fait les manifestations et les grèves des mineurs et donc voilà ça s'inscrit dans une forme de tradition en fait j'ai envie de dire et en même temps c'est une singularité enfin faut recontextualiser les choses et c'est une lutte qui est spécifique et je trouve ça génial et hyper important et intéressant à observer de voir comment les personnes queer se réapproprient cet espace revendiquent leurs propres droits et ne laissent pas le gouvernement se poser en héros des minorités. En tout cas, merci beaucoup pour cette analyse. Moi, je vous propose, en attendant, une petite pause musicale. Et puis ensuite, on reviendra avec Anthony et Douce pour parler de leur podcast Extimité. À très vite. De merveille. On m'a menti tout du long, il n'y a pas non plus de raison, aucun sens à l'univers, aucune décence, tout est calvaire. On m'a menti tout du long, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille. On m'a menti tout du long, il n'y a pas non plus de raison. Aucun sens à l'univers, aucune décence, tout est calvaire. On m'a menti tout du long. La société est une salope, le capital un enfoiré. Il faut brûler les policiers. On m'a menti tout du long, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille. Ce que je vois, c'est un grand feu. Je vois des bœufs et des lépreux. Levez-vous, accusez, je vais moi-même vous juger. I sentence you to... Et vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel, au fond près du radiateur 106.3 FM. Et toujours en direct. Et toujours en direct, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Dis-moi Douce, oui. cette chanson que tu viens d'entendre, est-ce qu'elle t'évoque quelque chose ? Carrément, c'est du coup Grief Dance to Death de Rebecca Warrior, Matt Ben et Manuel Malin. C'est une piste sonore en fait que j'ai glissée tout doux dans l'épisode d'Extimité, voilà, le podcast que j'ai créé avec Anthony. Et c'était d'ailleurs le premier épisode d'Extimité, je crois. Tout à fait. Donc dans cet 0, épisode, 0. Tu parlais de toi. Oui. Tu parlais de ton parcours. Mm-hmm. Qui es-tu, Douce ? Alors, qui suis-je ? Je suis une humaine, déjà, de 25 ans. Oh my God ! Amazing ! Alors, je suis journaliste indépendante, j'habite à Paris, et en fait, pour recontextualiser, je suis née au Congo, donc je suis congolaise, et ça fait 12 ans que je suis en France, parce que j'ai dû m'exiler, en fait, avec ma famille, okay. En France. Et donc du coup, journaliste parce que les mots, parce que j'ai fait de la sociologie et que en fait voilà, on parlait par exemple du mouvement des gilets jaunes, de la société, de tout ce qui des déterminismes et tout. Et je me suis toujours intéressée en fait au niveau de la société, ce que la lecture de la société au niveau du journalisme pouvait apporter en fait chez les gens, même si on lit de moins en moins à ce qui paraît, mais on écoute de plus en plus. Du coup, voilà, la radio c'est pas mal pour ça. Et donc voilà, j'ai toujours été attirée par le journalisme. Voilà. Et du coup, ce soir, tu n'es pas venue seule. Non. Tu es venue avec Anthony, qui est ton co-host yes. lors de ce podcast. Et je crois que d'ailleurs, c'est un podcast que vous avez créé tous les deux. Absolument. Ça, Anthony. Je suis le collègue de Douce. Je m'appelle Anthony et on a co-créé le podcast Extimité cette année. Elle m'a approché au mois de juillet 2018, alors qu'on se connaissait à peine. On avait tous les deux pigé pour un même média en commun. Mais on s'était à peine croisés quelques fois. Et en fait, au mois de juillet, elle m'a approché en me disant « Salut Anthony, je pense que tu serais parfait pour faire un podcast avec moi. J'ai envie de parler d'ego, de personnes qu'elles se racontent, des personnes minorisées qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Est-ce que tu veux le faire ?» Et du coup, on a eu tout l'été pour réfléchir, brainstormer. Et on s'est dit « Ouais, ok, on va lancer ça. Ça va s'appeler Extimité. » Extimité, ça vient d'un concept de psychanalyse qui a été lancé par Lacan, enfin, initié par Lacan et ensuite théorisé par Tisseron, qui est un autre psychanalyste et psychiatre. Et ça renvoie au fait de raconter son expérience afin de mieux se l'approprier. Et du coup, c'est exactement ce qu'on veut faire avec Extimité, c'est inviter, dans tous les 15 jours, on invite une personne à raconter son vécu. Et c'est une personne qui est minorisée en raison de sa condition physique, mentale, sa sexualité, son identité de genre, peu importe. Et, ou plutôt, ça importe beaucoup, justement. Et en fait, on invite la personne à raconter sa construction, mais aussi sa déconstruction de son identité. Et donc, c'est tous les 15 jours, un dimanche sur deux. Et du coup, peut-être avant de parler en détail d'extimité, on va peut-être parler quand même un petit peu de toi. Parce que finalement, vous avez construit ce podcast à deux. Vous êtes deux personnes qui se complètent sur ce podcast. Vous mettez... vous faites parler les gens, vous les faites parler d'eux, mais pour introduire ce podcast, vous avez joué votre propre jeu finalement, vous avez parlé devant vos micros, vous avez échangé ensemble, et justement j'ai trouvé ça très intéressant du fait que vous parliez de vous-même. Est-ce que tu peux parler un petit peu à nos auditeurs, leur dire qui tu es, ce que tu représentes, comment tu t'es construit Bien sûr. Bah, du coup, dans le premier épisode qu'on appelle l'épisode 0, c'est Douce qui parle d'elle. Et l'épisode 1, qui est sorti 15 jours après, c'est moi. Et du coup, je suis journaliste d'origine martiniquaise. Je suis né, j'ai grandi en métropole, en banlieue parisienne. Et voilà. j'écris à la fois sur la culture, la mode, la beauté, la société. Et en fait... Et les masculinités, très important. Les questions d'image, de représentation, d'identité, et effectivement, notamment sur les masculinités. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, en fait, avec Extimité, c'est de raconter comment est-ce qu'on se construit en fonction de ce qui nous fait honte, de ce qui nous... tracasse, de ce qu'on a été amené à cacher, à invisibiliser, à silencier à cause de la société, à cause d'oppression systémique. Et c'est ce qu'on amène ensuite à faire les invités qu'on reçoit à chaque fois. Et donc voilà, je ne sais pas quoi dire. J'ai une question, deux questions. C'est est-ce que quand tu fais ce parcours, en fin de compte, tu déconstruis toutes les insultes, et tout d'essayer à la fois de prendre du recul et de dire tous ces trucs qui sont soi-disant un problème sont ce que je suis et ce que je veux être. Je sais pas si vous avez vu les trucs sur le voguing ou comment les gens s'approprient aussi autour soit de la danse, soit de plein de choses, de l'art. Et moi ça me parle. Qu'est-ce qui se passe pour arriver à ça? Et c'est ça le parcours. C'est qu'est-ce qui est déclencheur? Qu'est-ce qui fait pour dire simplement, là, ce soir, je suis la reine et fuck you? Et la deuxième question qu'il y a derrière, c'est comment vous trouvez ces personnes? Parce qu'il y a plein de gens qui sont soit dans le placard, soit qui ont du mal à parler, à dire les choses. Donc, il faut quand même être contenant par rapport aux paroles. C'est-à-dire que si vous êtes dans le jugement, de manière la personne ne va pas vous parler ou va arrêter de parler. Moi, je trouve, c'est les deux questions. Comment vous trouvez, entre guillemets, trouver. Est-ce que c'est comment vous faites, tout simplement, ou est-ce que, au travers de quoi, au travers de quel chemin, on trouve ça. Et voilà, ce sont des questions qui sont très énormes. Mais il y a quelque chose qui a de ça, c'est que être minoritaire, c'est d'abord avoir eu et subi l'insulte, l'attaque, la discrimination. Et ça, c'est votre corps qui est en jeu aussi, votre psyché, et peut-être toute votre vie, vous serez là, et là, c'est un... voilà. Concernant la construction et la déconstruction, il faut savoir que quasiment la majorité des personnes qu'on invite sur Extimité sont des personnes assez jeunes et qui prennent conscience... notamment grâce aux réseaux sociaux, qui se déconstruisent grâce aux réseaux sociaux. Pour ma part, ça a été au travers d'une relation qui a été toxique, où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas normal de vivre une oppression dans son couple, dans le privé, dans ce cercle où on est censé être en sécurité et totalement à l'aise avec soi-même, avec qui on est. Et à partir de là, j'ai décentré mon regard, j'ai pris de la hauteur et je me suis dit, d'accord, en fait, dans la société... on me renvoie à ma féminité, à mon genre, et de ce fait-là, il y a toutes les oppressions qui en découlent. Je me suis dit, d'accord. Ah, mais en fait, devant le miroir, mais je suis noire aussi, donc je suis femme et je suis noire, mais ça implique autre chose. Ah oui, non, mais là, ça va pas être possible, alors, de juste pouvoir vivre comme ça, respirer normalement. Je n'ai pas ce privilège-là, parce que je commençais à intérioriser plein de choses, de sexisme, de racisme, comment dire ça, oui, de toutes ces oppressions-là. Et psychologiquement, ça commençait à devenir insoutenable pour moi. Donc, je me suis dit, va falloir que je comprenne tout ça. Donc, je me suis plongée dans des livres au niveau du sexisme, de l'afroféminisme, du racisme. Franz Fanon, merci, je t'aime. Audre Lorde, enfin... en fait, tous ces concepts-là dont on voit, en fait, les extraits, notamment américains, dont on peut lire certains ouvrages, moi, je me suis totalement approprié ça. Et ça va... Et en fait, c'est même pas juste au niveau intellectuel, c'est que concrètement dans ma vie de tous les jours, je peux les mettre en exergue et en action aussi, en fait, ces choses-là que je vis. Du coup, je me suis dit, ce que j'aimerais vraiment, c'est que tous les podcasts que j'écoute, où il y a des experts qui viennent parler, où il y a ce côté très académique, j'aimerais vraiment être à l'écoute de personnes qui vivent à peu près les mêmes choses que moi, ou pas, mais en tout cas des personnes que je considère comme des égaux, en fait. Et pour moi, c'était de pouvoir inviter des personnes avec un âge à peu près comme le mien, et qui vont parler avec leurs mots sur leur vécu de manière très intime. Et donc, pour répondre à la question brièvement, et je laisserai Anthony le soin de continuer, c'est les réseaux sociaux notamment, et nous, on va proposer, et souvent les gens, c'est narcissique, mais dans le bon sens du terme, les gens, quand on les approche en disant, écoute, on te donne un temps de parole, tu pourras t'exprimer sur ton vécu, souvent ça marche, souvent il n'y a pas trop de difficultés, quoi. Oui, ça c'est en fait la grande difficulté du casting, et aussi la grande chance du casting, c'est que effectivement ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, mais c'est aussi des recommandations d'invités qui nous parlent de leur copine transgenre qui a beaucoup de choses à dire, ou telle personne racisée qu'ils connaissent, ou alors telle association qui aide des personnes comme Kitoko, qui aide les personnes trans racisées, et qu'on adore, et qu'on admire, et bravo. Et aussi, ce que tu disais me parle beaucoup, en fait, sur la question du stigma, de la construction par rapport à la haine. Je crois que c'est Didier Ribon qui écrivait « Au commencement était l'insulte, l'insulte PD ». Il écrit sur la construction de l'identité gay, et c'est exactement ce qui nous est arrivé, en fait. Douce, qui est bisexuelle, et moi qui suis gay, je pense qu'on s'est beaucoup construit dans la confrontation, ou dans l'affrontement, ou dans l'expérience de minorisation, en fait, dans l'oppression. Et l'extimité, c'est aussi une manière de retourner le stigmate. De dire, ok, vous me renvoyez à ça comme une insulte, et ben je vais en faire une force, parce que ça m'a construit, et qu'il est important de le revendiquer. Et c'est ce qu'on a fait avec, je sais pas, par exemple, l'épisode de Jean-Baptiste, qui est homosexuel, qui l'affirme même au travail, et qui aujourd'hui est quelqu'un de queer, qui s'assume enfin, et qui en est très content, et qui peut aider des jeunes plus jeunes que lui, enfin d'autres gays un peu plus jeunes, à s'affirmer et s'assumer. Ou, je sais pas, Paya, qui est une jeune femme musulmane, qui sera l'épisode dans 15 jours, qui manifeste et aide d'autres femmes musulmanes à s'affirmer comme féministe, par exemple. Et voilà, donc nous, en fait, on fait que ça, en fait, retourner le stigmate, s'affirmer, s'assumer. Et en fait, Extimité, c'est un peu le journal extime d'une génération qui se construit et se déconstruit, en fait. Et d'ailleurs, je pense que, je sais pas si, où tu l'avais tiré ça, Anthony, tu sais, on dit l'intime de manière collective. D'accord, mais vas-y, dis-le, mais c'est magnifique, j'adore, c'est exactement ce qu'on fait, en fait, s'il te plaît, je t'en prie. Oui, non, j'avais écrit une espèce de manifeste de ce qu'on faisait avec Extimité, qui consistait à dire l'intime dans ce qu'il a de politique, faire résonner l'intime de manière politique et avec une impudeur politique. Je l'ai très mal dit. Mais c'est à peu près ça. Et en fait, c'était inspiré d'Hervé Guibert, un auteur sur lequel j'ai écrit, qui est un auteur homosexuel qui est mort du sida dans les années 90, et en fait, qui a écrit beaucoup d'autofiction, en fait. Il écrivait sur ce que c'était que de vivre avec la maladie et de se voir mourir petit à petit dans le miroir, de l'écrire. Il se filmait aussi beaucoup, c'était un photographe aussi. Et donc ça, c'est très intéressant, en fait, cette représentation, cette vérité personnelle que tu essayes de faire comprendre aux autres. Ouais. Et c'est ce qu'on fait avec Extimité. C'est qu'est-ce que toi, ce jeu spécifique, comment est-ce que tu te construis avec ton identité de genre, ton identité sexuelle, ta racialisation, ou alors ta neuroatypie, ou ton handicap physique. Qu'est-ce que toi, comment tu te construis, comment tu t'identifies, comment est-ce que tu te... façonne dans l'espace public ou non, comment est-ce que t'es rejeté ou non. Et voilà, par exemple, là, dimanche dernier, donc, on a interrogé Yuni, qui est une personne gender fluide, donc une identité de genre qui fluctue en fonction En fonction de ce qu'il a, en fait, de ce qu'il veut, de ce qu'il se, comment est-ce qu'il se ressent, et qui fait du drag. Et depuis qu'il a commencé à être... depuis qu'il a construit son personnage de drag queen, Yuni, se sent beaucoup plus à l'aise dans son identité de genre. Il arrive mieux à canaliser son identité féminine et son identité masculine. Et il se sent beaucoup mieux dans sa peau grâce à ça. Et ça, c'est ce qu'il nous raconte dans son micro, et, au micro d'extimité, pardon. Et c'est hyper important parce que c'est une parole qu'on entend peu et qu'on pourrait avoir du mal à comprendre. Et là, quand on l'écoute pendant une demi-heure, on se dit... ah ok, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas diabolique, c'est pas insensé, et on n'a qu'à le laisser vivre, quoi. Mmh. Et voilà, en fait, on fait que ça, retourner le stigmate, et je me souviens que dans mon épisode, par exemple, on avait fait ma punchline, et c'était une espèce de détournement de Aimé Césaire qui disait, oui. pas, qui disait « le nègre vous emmerde », et ben moi je disais « la folle vous emmerde ». Et voilà, en fait, c'est le journal intime ou extime de toute une génération... qui a entre 20 et 30 ans, une génération qui est souvent minorisée, affamée, précarisée, silenciée. Et là, il est temps de l'écouter, quoi. Et là, justement, moi, tu évoques le podcast de deux personnes, moi, qui m'a particulièrement touché, peut-être parce que je les connais, que ce soit de près ou de loin, qui sont JB et Yuni. Moi, c'est des podcasts que j'ai trouvé extrêmement poignants parce que vous allez finalement au bout des choses. C'est des podcasts, pas des podcasts qui durent 5 minutes comme on peut avoir dans beaucoup de cas. C'est des podcasts qui durent entre 40 minutes et 1 heure. Vous allez vraiment au fond des choses, où vous essayez de faire au maximum que vos invités en quelque sorte, entre guillemets, parlent d'eux. Vous leur posez quelques questions, En fait, vous ne vous mettez pas en avant dans ces podcasts, d'ailleurs. Vous essayez de faire en sorte qu'ils parlent un maximum d'eux. Vous les faites se présenter. Comment vous en êtes arrivé à cette construction-là, finalement, de dire à vos invités, parlez de vous, c'est votre moment. Et comment vous arrivez, finalement, à gérer le fait que, dans certains cas, l'interview puisse partir sur quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas forcément. Comment vous gérez ça? Il m'a semblé logique, en fait, quand j'ai eu cette idée d'extimité, de vraiment avoir une parole fleuve, en fait, et que nous, en tant que journalistes, on se mette un peu en retrait. J'avais pas envie d'avoir cette démarche journalistique de poser des questions et de pousser dans les retranchements pour avoir ce côté sensationnaliste, etc. C'était pas ça, c'était vraiment pas ça la question. Moi, j'avais vraiment envie que les gens qui écoutent extimité se posent et se détendent et soient totalement ouverts à l'écoute et soient totalement, en fait, imprégnés d'un récit de vie de personnes qui pourraient rencontrer en soirée ou peu importe. Et le fait que, justement, qu'on puisse créer une intimité, un côté très intimiste, je pense, aide à ce que la personne se dévoile. On a eu, en fait, par exemple, avec JB, quand il se livre et qu'il dit avoir été donc dans un culte sectaire, ça, il n'avait pas du tout, enfin, il n'avait pas prévu d'en parler. Et le fait que ça sorte comme ça, pour moi, en tout cas, ça témoigne d'une confiance et de quelqu'un d'à l'aise, de personnes qui sont totalement à l'aise avec nous. Et aussi, je me rends compte qu'à chaque épisode, je pensais savoir des choses, mais je sais que je ne sais rien, pour paraphraser Socrate, je crois bien. Mais voilà, moi, ce que je me suis rendu compte qu'avec extimité, c'était vraiment ça qui me tenait à cœur, quoi. Laisser les personnes s'exprimer avec leurs mots. Et si jamais on se rend compte que on peut les aider en posant une certaine question pour les amener, pour pouvoir faire rebondir sur d'autres choses, on le fait. Mais vraiment, le côté journalistique intrusif, bof, quoi. Et du coup, vous les recevez dans quel cadre? Vous êtes chez vous, vous êtes dans un bar, vous êtes chez eux. Est-ce que le cadre dans lequel vous les recevez, dans lequel vous les rencontrez, a aussi une influence finalement? Évidemment. Justement, c'est une question qu'on se posait. Est-ce qu'on loue un studio de podcast avec des micros professionnels? Oui, parce que nous sommes totalement indépendants. Ouais. Oui, c'est un podcast indépendant, on dépend d'aucun studio de production de podcast, et en fait, les enregistrements se passent chez Douce, merci beaucoup, et en fait, on est tous assis par terre autour de quelques micros, et avec des plaids et des coussins, et c'est comme à la maison, en fait. Enfin, avec du thé. On le dit littéralement, si tu veux aller faire pipi, tu le fais, si tu veux ouvrir ta braguette, vas-y, si tu veux enlever ton toutif, vas-y, et c'est comme à la maison, on est d'égal à égal, et on se parle d'égo à égo. Et c'est justement ça qui permet aussi que les personnes soient détendues parce qu'elles se sentent pas prises de haut, pas prises comme un sujet d'étude, mais au contraire comme un égal. Et on l'écoute, on dialogue, on discute, et il n'y a pas d'instance moralisante ni moralisatrice, et voilà. C'est ce que je voudrais juste dire, que c'est un truc qu'on essaye de faire aussi dans cette émission. La notion du temps est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'on voit bien le schéma journalistique, une question, une réponse, 10 secondes et une pub. Ça coupe toute la pensée, tout l'esprit, toute la possibilité d'une singularité. Et ça, c'est un truc, en tout cas moi, depuis tellement d'années que j'essaye de faire des petits trucs autour de cette radio, c'est une chose, c'est on essaye de dire quelle question tu veux que je te pose. Une interview, ce n'est pas moi, j'apporte mon savoir et toi, tu es, j'allais dire, dans le canal de ce que je veux dire. Et je trouve que pouvoir réaliser ça, c'est déjà bravo. Et j'avais aussi écouté Zalné Mioli, je ne sais pas si vous connaissez, la photographe sud-africaine lesbienne, et qui faisait tout un travail sur sa communauté autour de la photo, rendre beau les personnes qui sont attaquées, rendre beau et rendre visible l'invisible. Et moi, quand vous me parlez de ça, c'est ça aussi que je ressens. Et puis aussi, je voudrais dire que moi, personnellement, quand on me dit « Pourquoi, Mouloud, tu parles de ton homosexualité ?» La réponse, elle est très simple. C'est que les gens me parlent de mon homosexualité. Les gens parlent de mon homosexualité derrière moi, devant moi, et me renvoient ça comme un marqueur, comme une plaie. Et en fin de compte, ce que vous dites, c'est que à chaque fois, votre vie, elle est toujours là. Et vous ne pouvez rien dire. C'est les autres qui parlent de vous. C'est-à-dire que c'est très politique, en fin de compte. Il n'y a pas de... Si j'insiste sur ça, sur l'intimité, c'est pas intime, c'est très public. Mais l'intimité est politique. Voilà. Le privé est politique. Ce qui est intime, ce qui est perçu comme personnel, c'est une construction politique et sociale, en fait. Mmh. Et je crois que c'est Édouard Louis qui le dit, d'ailleurs. C'est une notion qui bouge en fonction de l'époque, de l'histoire. Et aujourd'hui, on n'arrête pas de dire « Ah, mais parlez pas de votre sexualité, ça vous regarde, qui couche dans votre lit, ça vous regarde que vous. » Mais en réalité, non, c'est politique, en fait. Ça donne lieu à des lois. Enfin, quand on voit ce qui s'est passé pour le mariage pour tous, on peut pas dire que ce soit juste quelque chose qui vous regarde. Non, ça regarde la société tout entière, parce qu'on interdit de vivre comme on l'entend et on interdit de s'aimer. Et puis c'est peut-être une construction qui est toujours évolutive, parce que là aujourd'hui, vous faites tout un travail, mais c'est aussi, j'ai envie de vous dire, c'est un travail aussi sur vous-même que vous continuez à faire, parce que il y a des jours, vous êtes en force, vous subissez une insulte, et là vous êtes fort, et là vous savez répondre, etc. Et puis il y a aussi des jours où vous êtes accablé, parce que c'est pas évident des fois. Bien sûr, et c'est une question qu'on pose, une question rituelle dans l'intimité à chaque invité, c'est qu'est-ce qui te donne de la force ? Parce qu'on se doute bien que c'est pas facile tous les jours de se réveiller et de survivre à l'oppression, en fait. Enfin, parce que c'est ça, en fait, c'est tous les jours, quand t'es, je sais pas moi, que t'es pas cisgenre, hétérosexuel, blanc, un homme, tous les jours, ton identité est remise en question, et de manière plus ou moins violente. Et donc voilà, on leur demande qu'est-ce qui te donne la force, quoi. Enfin, et parfois, ils nous disent rien. Parfois, ils nous répondent oui, des collectifs comme ça ou ça, ou bien tel auteur, ou bien tel film. Et c'est autant de conseils que nos auditeurs et auditrices peuvent écouter et suivre. Et on est toujours dans la suggestion, dans l'écoute, jamais dans le diktat et l'injonction. Et en fait, ce qu'on nous a... Non, en fait, je pense que je projette, mais j'avais cette crainte-là que les gens se disent « Ah oui, mais les vécus, les récits sont beaucoup trop lourds, il nous faut quelque chose de léger, etc. » Mais en fait, on peut pas forcer le trait en disant « Ok, certes, nous sommes des minorités, mais regardez, tout va bien. » On s'en sort, on n'a pas ce rôle-là, on ne doit pas assumer le rôle de minorité qui s'en sortent et qui sont un exemple. Et pour moi, c'était nécessaire de dire la vérité. Il y a des personnes qui sont très légères et qui sont très joyeuses, qui sont flamboyantes dans nos épisodes, et tant mieux. Mais il y a des personnes qui vont être tout aussi accablées par leur vécu parce que elles n'en peuvent plus et que psychologiquement, ce n'est pas possible. Mais pour moi, c'est quand même une partie de self-care, en fait. Extimité, pour moi, c'est de se reconnaître dans des vécus, c'est de se dire que je ne suis pas seule, je peux m'inspirer de ces personnes-là qui ont vécu des choses extraordinaires dans le sens premier du terme, mais qu'en fait, il y a quelque chose après, quoi, politiquement, au niveau de mes relations, au niveau des personnes que je choisis, en fait, parce que même, comme on disait, l'intime, le privé est politique, le fait d'avoir des amis qui sont problématiques, au bout d'un moment, tu ne peux pas t'en sortir, en fait. Donc, c'est ça, se dire, ah oui, non, mais en fait, j'ai le droit de refuser de voir un tel qui me traite de je sais pas quoi quand on se voit et qu'il a un coup dans le nez, quoi. Moi, c'est vraiment ces choses-là qui me tiennent à cœur avec extimité. Voilà, pouvoir avoir de la représentation, s'identifier. C'est vrai qu'au travers d'une fête, d'un seul coup, les gens se lâchent, ils boivent un coup d'alcool, et d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, ça devient enculé, ça devient etc. Alors qu'au départ, ils étaient très gentils, et vous êtes dans la fête le seul à vous sentir de plus en plus oppressé, et le seul à ne pas comprendre, ben, au fait, c'est moi qui désigne. Et je commence à gueuler, à hurler, et tout le monde me traite de fou. Mais non, je ne suis pas fou. Rabat-joie, t'as pas d'humour, t'es sclérosé, tu es pas capable de comprendre, de sortir de ta zone de confort, etc. Mais c'est, au fin de compte, une banalisation. On a tellement banalisé, parce qu'on a soi-disant nos lois. Mais en réalité, il y a plein de gens, et c'est pas par hasard qu'il y a des taux de suicide, c'est pas par hasard si aujourd'hui, une nouvelle fois, l'homophobie est très présente. Et puis aussi, moi, la question, elle est pour vous et elle est pour moi aussi, c'est que des fois, j'en ai ras-le-bol de voir l'homosexuel de la classe moyenne, ultra riche, blanc, qui nous dit bah, c'est cool d'être homo. Bah oui, mais c'est pas que toi. Et quand est-ce qu'on va entendre le black, l'ouvrier, le prolo, le rebeu, homo, etc. Et je trouve que ça, cette question-là, est pour moi devenue un peu un leitmotiv. Et c'est bien que vous soyez là. Voilà, c'est pour vous la parole. Excusez-moi. Moi, ouais, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, Mouloud, parce que justement, dans le podcast de Douce, tu évoques une soirée. Une soirée pendant laquelle tu es dans une relation avec quelqu'un et que cette relation, bah, sur cette soirée, c'est une soirée d'un nouvel an d'ailleurs, je crois. Oui, tout à fait. Où tout part un petit peu à la dérive, tout part un petit peu en live. Et justement, toi, c'est ça qui t'a permis ce jour-là de te rendre compte d'énormément de choses. Est-ce que tu veux éventuellement peut-être en parler un petit peu? Bien sûr. Je me rends compte qu'en fait, oui, cet événement-là a été le déclic, parce que je me suis rendu compte qu'autour de moi, certes, mes amis réagissaient. Parce qu'en fait, comme je disais, j'étais dans une relation toxique. Il s'est passé que ce mec-là, il avait des problèmes. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je m'amusais, pas lui, on va résumer ça comme ça. Et en fait, il s'est permis de me cracher au visage. Et en fait, les personnes autour de moi ont réagi physiquement vers lui, ont essayé de le canaliser et tout. Et à partir de là, j'ai pris conscience de tellement de choses. Je me suis, en fait, toute cette le nouvel an où j'étais censée être tellement contente, bah non, ça a été une claque monumentale. Mais à partir de là, j'ai eu tellement de en fait, c'est comme on en parlait là, le fait de les œillères, de prendre la pilule le rouge du coup, et que tu vois là, toute la vérité, et que tu te rends compte que ce que tu as vécu de relations toxiques avec ce mec là qui te bouffait de partout, et ça, c'était une étape, et que maintenant, mais jamais plus on me reprendra, quoi. Et ça, pour moi, ça a été une victoire. Mais c'est vrai que l'entourage, certes, a réagi sur ce moment T là. Mais alors que les deux années et demie précédentes, il n'y avait pas eu vraiment de réaction, quoi. On se sent seul, en fait. On se sent seul parce que, justement, comme tu disais, Mouloud, c'est banalisé. Dans les cercles amicaux, en famille, toutes ces choses-là, ces micro-agressions, comme on les appelle, sont totalement banalisées. Et maintenant, nous, quand on prend la parole et qu'on dit « ça, c'est raciste, ça, c'est homophobe, ça, c'est sexiste », on veut être entendu, parce que ce n'est pas moral, ce n'est pas de l'éthique morale, c'est des faits, c'est un comportement. Certes, toi, en tant que personne, tu n'es pas raciste, mais ce que tu dis, c'est condamnable, et je te le fais savoir. Et désormais, du coup, on ne se tait plus, et grâce à Extimité, j'espère que les gens vont comprendre ça, et qu'il y aura une résonance de ce qu'on dénonce, en fait. Nos vécus sont politiques malgré nous, et on le dit. Moi, en tout cas, ce que j'espère réellement, c'est que Extimité va pouvoir prendre de l'ampleur, tout simplement parce que c'est, enfin, vous disposez de comment dirais-je, vous dispensez même plutôt une parole qui est d'une bienveillance qui est incroyable. Et au-delà de ça, je pense que vous permettez aux gens de se reconnaître eux-mêmes. Et je trouve que c'est une chose qui est incroyable. J'aurais aimé pouvoir continuer à parler un petit peu d'extimité encore. Malheureusement, on a un truc dans la vie qui s'appelle le temps. Et là, le temps, on ne l'a pas des masses. Du coup, moi, je tiens à vous remercier. Je vous dis vraiment merci, bravo pour ce que beaucoup. Vous faites, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Je vous remercie d'être venu là ce soir, d'avoir parlé de votre podcast Extimité. Je remercie également Robinson, qui était à la technique. voilà, il est de l'autre côté de la vitre, mais il nous fait un petit sourire. Et je remercie toutes les personnes qui étaient là ce soir, Mouloud, Iman. Et puis, pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, au fond, près du radiateur. Bonne soirée à tous. Merci. Et n'oubliez pas, l'amour sauvera le monde. Akobi kituba, akobi be kituba. Bana bosi, akobi be kubali. Akobi kubali, akobi be kubali. Bana poto, akobi be kituba. Akobi kituba, akobi be kituba. Bana bosi, akobi be kubali. Akobi kubali, akobi be kubali. Akobi. Revolutionaries. you know?